À l'occasion du 68e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée et de la journée de Sungun, une cérémonie de remise de livres coréens a eu lieu le 16 à la ville de Nakodka, Russie, en présence des personnalités du Club international de matelots et de la bibliothèque centrale de la ville de Nakodka, des citadins et des diplomates coréens. Ce sont des œuvres classiques des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, ainsi que les livres sur la société, la politique, l'histoire et la culture coréenne.